17h25 à CFLM 105.2 dans Sans détour, et à cette heure-ci, il manque juste la couronne, elle est la reine des arts et spectacles, Julie Beauregard-Maillé, que j'accueille. Wow, merci beaucoup, Ghislain! Ben de rien! Si je te dis Crazy Horse, Ghislain, est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, j'en ai entendu parler vaguement, mais je... Écoute, c'est pas un groupe de musique, là. Non, okay. Mais tu vas vraiment apprécier. Okay. Alors, Crazy Horse, ce sont des danseuses nues, si vous voulez, mais finalement, on les voit jamais vraiment nues. Elles sont habillées d'éclairage. Alors, okay. C'est un spectacle érotique de danseuses nues, mais c'est tellement bien habillé d'éclairage, et les filles, il faut dire, sont maquillées, là. Tout le corps est maquillé. Tu vois pas grand-chose, OK? C'est très élégant. Apparemment, qu'il y a beaucoup de femmes qui vont là avec leur homme. Faut dire, Crazy Horse, ça, c'est parisien. Alors, c'est un cabaret là-bas à Paris. Et là, d'accord. Le festival Juste pour rire, Gilbert Rozon les a invités pour l'été prochain. Vraiment, moi, j'ai hâte d'aller voir ça. Donc, début juillet, et ce sera au TNM. Et pourquoi le TNM, il y a un lien? C'est parce que Lily Saint-Cyr, à l'époque, était là au théâtre Gaiety. Et le propriétaire du Crazy Horse, qui a fondé ça par après, était allé voir Lily Saint-Cyr et il a décidé de s'inspirer de ça. Pour créer le Crazy Horse. Quelle belle idée, oui. Voilà! Ouais, alors, on retourne aux sources. Je te parle maintenant du Mondial Cidre de glace. S'il y en a que ça intéresse en fin de semaine, c'est vraiment une belle activité. Ça se passe à Rougemont. C'est la 5e édition. On a là plein de producteurs québécois de cidre. Il y aura également des produits du terroir. Ça, c'est sous un chapiteau chauffé. Alors, si vous avez peur d'avoir froid, là, ben sachez que ça va être chauffé. Pour les enfants, il y a des glissoires et tout. Vraiment un bel événement. Et ça fonctionne sur le principe des coupons. Alors, vous pouvez aller sur mondialcidredeglace.com pour plus d'informations. Puis en plus, on attend une belle température en fin de semaine, quelque chose comme moins 10. Bon, ben, c'est confortable. On va se réchauffer avec l'alcool un voilà. Petit peu. Dernière petite chose en termes de... Oui, Rémi Girard, pour les 10 ans des Invasions barbares, en 2013, ça va faire 10 ans que le film est sorti. Eh bien, Rémi déjà. Girard, on a appris qu'il travaille, effectivement, déjà, il travaille sur une adaptation pour le théâtre des Invasions barbares. OK. Reste à savoir où est-ce que ça va être joué. On ne sait pas encore, mais chose certaine, il travaille là-dessus. Alors, ça risque d'être fort intéressant, son adaptation. Ben, je pense que je vais aller voir ça. J'aimerais bien ça, en tout cas. À suivre. Ouais. Merci, Julie. C'est toujours un plaisir, encore une fois. Oui, bonne fin de semaine, tout le monde. Salut. Bye. Dans quelques minutes, la circulation à CFLM 105.2 dans Sans détour.